Ouïra bien qui ouïra la dernière. Ouïra bien qui ouïra la dernière. Ouïra bien qui ouïra la dernière. Ouïra bien qui ouïra la dernière. Ouïra bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans Où ira bien, qui où ira le dernier, notre rendez-vous mensuel en direct, les deuxièmes dimanches du mois à 19h. Aujourd'hui, nous recevons le duo à table avec Jean-Jacques Duérix, aka MCJJ, et Harold Schellings, aka Ars. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Ah, bonsoir, bonsoir. Et on va commencer, avant de parler de votre duo dans une deuxième partie, par vos projets solo. Harold, si tu veux bien te présenter, peut-être de manière musicale, on dirait. C'est Harold Schellings pour Où ira bien. Merci Harold pour cette introduction. Donc on voit que tu travailles ici avec des cassettes. Hein. C'est des cassettes que tu as récupérées qui ont été laissées à l'abandon par des anonymes. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est ce que tu as entendu. C'est quelque chose que j'ai trouvé effectivement et que c'est devenu une œuvre qui s'appelle « Pour tes beaux yeux ». Pour tes beaux yeux. Voilà. Et c'est l'histoire d'un couple assez, comment dire ça, assez déchirant, assez banal aussi, mais voilà, on trouve des choses très fascinantes sur les supports audio dans la rue de moins en moins, effectivement, parce que ces supports cassettes sont en train de disparaître. Ouais. Voilà. Quels sont les petits, qu'est-ce que tu as trouvé des trésors comme ça, hein? Ben, ça, c'est un petit trésor. L'autre trésor, ce que j'ai trouvé, c'est une histoire. Évidemment, la plupart des choses qu'on trouve, c'est de la musique d'une façon ou l'autre. Mais on trouve aussi des choses qui étaient enregistrées par des gens sur des dictaphones, la petite machine comme ça, qui était dans leur poche. Et j'ai une fois trouvé une petite cassette comme ça, qui, si on l'écoute, c'est comme le scénario d'un polar, où il y a un mec avec son dictaphone, et après il est dans un bar. part, il y a un fil qui entre, et il commence à parler d'un enveloppe avec 3700 euros qu'il avait confié à la fille, et l'enveloppe a disparu, qu'est-ce qu'elle a fait avec, etc. etc. Un début de roman policier. Voilà, tout à fait, tout à fait. Voilà. Autre chose, tu parles d'un morceau que tu as fait comme le morceau qui représenterait le futur de la pop. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, à part la cassette et la poubelle dans la rue des villes où je passe, j'ai fait aussi la musique plutôt pensée, construite. Et un des projets autres que le projet à table qu'on va présenter plus tard dans la soirée est un truc plutôt high-tech électronique que je fais avec quelqu'un à Amsterdam parce que moi je suis d'origine irlandaise, alors je passe pas mal de temps à Amsterdam et ça, c'est le duo s'appelle Okoi et on travaille avec des machins comme des iPads et des iPhones et le futur de pop c'est nous. Et ça se passe sur notre iPad et le morceau Is the Future of Pop. On peut y écouter un peu peut-être. Tout à fait. Jean-Paul à la technique. On écoute. The future of the pop. Tout à fait, tout à fait. Et c'est que le début, parce que le futur, ça commence tous les jours. Quand même. Voilà. Mais bientôt au Sturung Festival à Barcelone, le futur de la pop. Voilà. Très bon. Un autre projet, Harold, Harold Schellings. Tu travailles sur un journal intime sonore en ce moment, enfin depuis quelques semaines, où tu enregistres 70 secondes par jour. Non. 7 secondes par jour. Parce que tu n'as pas compris. Mais voilà, mais c'est très compliqué. Non, ça fait 70 par semaine, du c'est coup. C'est compliqué. Ouais. L'histoire derrière est assez compliquée aussi, mais au fait. Il y a déjà longtemps, en 2004, j'ai promis à moi-même, surtout, que dans toutes les années premières qui restent dans ma vie, que je ferai un journal intime sonore journalier qui utilise, qui enregistre 10 secondes de son par jour. Ça commence le 1er janvier. Et 2011, c'est un nombre premier. Alors, c'est depuis 2004, la première année première. Et j'ai fait ça toute l'année. J'ai commencé le 1er janvier et je vais faire ça jusqu'au 31 décembre, où chaque jour, dans des créneaux d'horaires assez spécifiques qui circulent dans le mois, j'enregistre et j'ai fait un extrait de 10 secondes de mon entourage sonore à ce moment-là. Ça peut être, mais c'est dur de temps en temps parce qu'il y a des passages dans le mois où je dois me lever à 5 heures le matin pour enregistrer. Et ce journal est diffusé chaque semaine. Oui, alors aussi, pour moi, en tant que quelqu'un qui fait ça, alors il faut rester motivé parce que un an est long et faire ça tous les jours, il faut s'y mettre. Alors. Ça demande de la rigueur. Ouais, voilà. Alors, sur un journal culturel sur le web quotidien qui s'appelle, qui est très bien néerlandais, qui s'appelle Harthoofd, tête dure, il y a tout le dimanche, il y a 70 secondes, 70 secondes de la semaine dernière qui sont mises en ligne, et avec un texte en néerlandais qui est un extrait de mon journal écrit intime, et une photo qui est prise par un photographe quelque part, dans la même façon, dans un créneau d'horaire qui correspond. Il y a une photo, il y a le texte, il y a le... Ah d'accord, c'est un travail avec un photographe qui lui aussi prend tous les aussi, jours. Qui est aussi, effectivement, dans des périodes qui tombent mal, doit se lever à 5 heures le matin pour prendre une photo. Très bien. Voilà. Alors on va écouter le rendu des premières semaines. Non, de 7 semaines. De 14e semaine. Que j'ai passé à Bruxelles, au fait. Alors c'est 7 fois 10 secondes de son enregistré à Bruxelles. Transporté dans un char à bœufs, quoi, tiré par des bœufs dans la ville à côté, mais t'imagines? Ouais? Tu veux pas ouvrir, c'est les voisins? Oui. Ok. Entre, Nicolas, salut. Bonjour. J'ai pas amené mes pots. Je vais mettre ça ici, de toute façon, c'est pas ça. Pas de cristal. Très bien, mais la transition est toute faite dans l'extrait de cette semaine, enfin dans le journal de cette semaine, on entend Jean-Jacques, parce que j'ai été en train d'enregistrer avec lui notre chef d'œuvre, Topographic Table. Ben, on va y revenir tout à l'heure. Très bien. Oui, on reviendra sur le projet qui vous unit tous les deux à table. Jean-Jacques Duerinks, si tu veux bien, on va parler aussi un peu de tes projets solo. Bien sûr, oui. Déjà, tu travailles en collaboration avec Anton Deville. C'est ça. Enfin, c'est-à-dire que Anton m'a invité sur son projet Impronet. Pour une improvisation en sorte de cadavre exquis qu'on retrouve sur Arte Radio, qu'on trouve sur le blog d'Arte Radio exactement, et sur mon blog sur Arte Radio, MCJJ sur Arte Radio. Je viens d'en lancer un. Bon, je vais l'alimenter progressivement. Enfin, soit. Donc, le premier extrait qu'on va entendre, c'est justement la partie qui était sur le bloc, donc qui est sur le bloc d'Anton. Donc, il s'appelle T4RK, ouais. Tears for Roland Kirk, parce que j'aime bien, pour moi, Roland Kirk, c'est un phénomène musical, c'est quelqu'un, enfin, pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration, voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Il joue le saxophone, hein. Bon, c'est un saxophoniste, entre autres, qui jouait trois saxophones en même temps. Bon, c'était pas uniquement dans le but de la performance, mais c'est parce qu'il estimait qu'au niveau de la matière sonore, ça lui donnait beaucoup plus de possibilités. Et il vit essentiellement dans le jazz. C'est un passeur qui il a permis à des musiciens d'aller vers le free jazz. Mais cette personne est incroyable parce qu'il avait un travail sur les matières. Donc, il pensait son matériau sonore au saxophone. Il y a déjà pas mal de temps de ça, donc voilà. Alors, Tears, parce que, bon, tristesse, pourquoi ? Parce que, bon, j'ai vu il n'y a pas longtemps un film avec John Cage, justement, on voit Roland Kirk et tout ça, de son vivant, John Cage qui parle de la musique, du silence, etc. Et puis, ça m'a touché, je dis, oh, alors du coup, voilà, donc c'est pour ça que j'ai juste idée d'appeler ça comme ça et de le mettre sur le bloc de... Très bien, d'Arte Radio, vous pouvez le retrouver. On écoute maintenant Tears for Roland Kirk. Thank you. On vient d'entendre Tears for Roland Kirk, écrit par Harold. Non, pardon, Jean-Jacques. Par Jean-Jacques. Jean-Jacques Dierinks. Voilà. Comment tu as construit ce morceau, Jean-Jacques? Tout d'abord, comme j'expliquais, c'était en relation avec une improvisation donc, sonore qui est sur le bloc donc, d'Anton, Impronet, qui se trouve sur Arte Radio. Donc j'ai utilisé l'improvisation numéro 47. Le titre, je ne m'en souviens plus, c'est impro, mais enfin, soit. Et ça m'a servi de fil conducteur, en somme de partition, et j'ai joué, j'ai improvisé avec cette partie. Quand j'ai renvoyé ma partie à moi, la 48 en l'occurrence, je l'ai envoyée mutée de la 47. Conclusion, ce qu'on entend ici, c'est ma partie sans la partie 47. Maintenant, vous pouvez aller sur le site et écouter les deux ensemble, même tout ensemble si vous voulez, la 46, 45, ainsi de suite. Mmh. C'est le principe du Karadavreski, quoi, voilà. Bon. Non, techniquement, c'est pas super au point, parce que les lecteurs sur Arte, on peut pas les faire démarrer tous au même moment, bon, mais c'est pas grave. Alors, au niveau de ce que j'ai utilisé, ben, c'est tout simple, un saxophone, une éponge, de l'eau, et voilà, quoi. Et puis, j'ai laissé les choses se mettre, et j'ai improvisé avec la partie de 47 qui était en arrière-fond, voilà. C'est enregistré toi-même? C'est enregistré chez moi, oui, exactement, à la maison et tout. Très bien. Puis j'ai retravaillé un peu avec, après, éditer le son, etc., quoi, voilà. Tu es venu avec ton instrument? Oui, je suis venu avec mon petit saxophone sopranino qui fait beaucoup de bruit. Alors, il y a soprano, sopranino? Oui, c'est ça. Donc, il y a sopranino, c'est au-dessus du soprano, donc c'est en mi bémol. On va dire que ça ressemble un peu à une bombarde si on exagère le son, mais c'est un son très aigu, c'est le plus petit, le plus haut des saxophones. Bon, c'est vrai qu'il y en a même encore un plus haut qui s'appelle le soprio maintenant. Bon, mais là, ça devient quasi injouable. C'est tellement aigu, on dirait un moustique. Comme ça, c'est pas... Ben, on va écouter dès maintenant ton sopranino, puisque tu nous offres un live en direct. Voilà, exactement. Je vais essayer ça. Solo de Jean-Jacques Dierinks pour Ouira bien, qui ouira le dernier. Voilà. Merci, Jean-Jacques. Conditions extrêmes pour jouer. Les micros ne sont pas disposés de la façon habituelle. Ouais. Donc, pour moi, le couple stéréo, il n'est pas idéal. Mais c'est dommage, hein, parce que malheureusement, on diffuse en mono. Hein. C'est vrai que nous, avec les casques, on a le bonheur d'entendre le jeu de stéréo. Hein, Les micros sont plus refermés quand je fais ça. Ouais. Bon, ça, c'est pour une raison technique, mais bon. C'est un peu un petit bébé, le sopranino pour toi. Non, Oui, c'est mon petit bébé, exactement. Petit bébé. Ouais, c'est bien. C'est un instrument qui m'est très cher. C'est beaucoup de travail, mine de rien, tous les jours, pratiquer les gammes, etc. Voilà, parce qu'ici, c'est du son, mais bon, aussi, bien sûr, pratiquer l'instrument d'une manière plus traditionnelle, je dirais, pour pouvoir le maîtriser, quoi. Et justement, tu les enregistres. C'est un projet solo. C'est ça. J'ai amené ici un premier extrait qu'on va entendre. C'est Élément 1. Il s'agit d'un travail aussi, un petit solo d'une minute, un peu plus d'une minute, 1 minute 47 je crois exactement, aussi enregistré chez moi. Donc Élément, c'est une suite de plusieurs éléments, il y en a 15 au total. C'est toujours le même thème qui revient, mais il est réinterprété d'une façon différente à chaque fois. Donc c'est un motif qui revient d'une manière récurrente. Quoi. D'accord, là on va en entendre un, le ou est-ce premier. Qu'on peut entendre les autres? Les autres, c'est pour... L'élément 2, je l'ai amené aussi. Ah oui, mais pour les auditeurs. Pardon ? Il y a une possibilité pour les auditeurs Pour l'instant, je n'ai pas encore édité ça, mais je vais sortir bientôt un CD, mais pas avec ces enregistrements-là. C'est un projet personnel que je suis en train de développer, et donc là, il y aura un CD qui sortira, en principe, qui sera distribué. Sinon, ce qui est là va se trouver sur un blog que je vais créer, et je vais aussi en mettre via un net label, un petit net label d'un ami qui s'appelle Thomas. Enfin, son net label, c'est Nomade, je ne sais pas si vous connaissez... Damois Mesque, c'est quelqu'un qui travaille pas mal au niveau du son, musique sonore, on va dire noise de loin, quoi. Voilà, quoi. Ok, alors on est heureux de l'entendre en exclusivité, Élément 1, pour Radio Panique. Exactement. Jean-Jacques, on vient d'entendre donc ton projet solo. Oui, une partie. Un élément. Un élément des 15 éléments, oui. Tu joues aussi dans un trio qui s'appelle Fête Nationale. C'est ça, avec Josep Maria Balagna. C'est un pianiste, percussionniste, performeur catalan, donc il est de Barcelone. Mike Goivart, qui est percussionniste, qui est dans la musique improvisée essentiellement. Et moi, Soprano. Donc ce qu'on va entendre, c'est une improvisation à trois qu'on a fait donc dans le cadre de Fête Nationale. Donc trio qui devrait normalement démarrer au mois de mai, parce qu'on va se revoir au mois de mai, on va essayer de trouver des concerts ici sur Bruxelles. Pas toujours évident, donc je fais un petit appel. Si vous avez un piano chez vous, nous sommes prêts à débarquer et à faire un peu de son à la maison. Des concerts à la maison. Oui, si, pourquoi pas. Mais si on peut le faire dans les salles, c'est bien aussi, mais les deux, voilà. Très bien, Fête Nationale. Thank you. Voilà, on commentait. Voilà, vous avez entendu une improvisation à trois. Voilà, c'est là, Joseph, il travaille essentiellement dans les cordes du piano, il prépare son piano, mais bon, d'autres extraits d'une manière plus traditionnelle, mais j'ai estimé que c'était plus intéressant dans le cadre de ce qu'on va faire après avec Atal, d'amener avec, un truc plus concret, avec plus de matière sonore. Ouais. Donc, voilà. C'était enregistré quand, où? Ça a été enregistré, il y a 3 mois, je sais même plus quand c'est enregistré. Ça a été au Piano Man, en fait, l'auditorium des Piano Man qui se trouve en face de la gare du Midi, on vend les pianos Steinway, etc. Donc on peut louer un espace là, à l'étage, pour, soit pour travailler, soit pour faire un concert. Ce que vous entendez là n'a pas été enregistré en concert, mais à une répétition donc, travail. Voilà, de Très travail. Bien. Donc pour cette deuxième partie de l'émission, messieurs, nous allons parler de votre projet, du projet qui vous rassemble. Ça s'appelle À Table. Et pour ça, donc, je vais vous appeler donc, Jean-Jacques MCJJ et Harold Ars, vos AKA, vos alias. Donc ce projet, il est dédicacé à Daniel Spoerry. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un plasticien suisse qui a fait partie des nouveaux réalistes dès la fondation du groupe en 60. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il collait des objets tels quels, comme ils avaient été laissés sur des tables ou sur des marchés, des tables de restaurants, des marchés aux puces. Oui, vraiment l'affaire des repas. Ouais. Une des premières trucs qu'il a fait, il avait vraiment dans une galerie, c'était un projet d'art. La galerie était un restaurant, au fait. Et ce qu'il mangeait, qui était les gens qui mangeaient, c'était des amateurs d'art. Les critiques d'art, qui amènent les plats, là, les serveurs. Et Spoerry était le cuisinier. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'était une métaphore pour l'art tout court. Alors. Et à la fin des repas, il collait tous les restes dans l'état où il trouvait la table, sur la table. Et après, on coupe les pieds de la table et on met le truc en tant que tableau. Il devient un objet d'art. Il appelait ça tableau piège. Il attrape la réalité. C'était l'idée. Mais évidemment, c'est une illusion. On ne peut pas attraper la réalité. Mais il a invité des personnalités à table, justement. Ouais, il y a des choses aussi comme ça. Et comment sa démarche a été une source d'inspiration pour votre duo à table? C'est tout à fait associatif, au fait, parce qu'on n'a pas commencé à tiens, on va faire Spoerry. Non, mais c'était. Non. On a commencé à Paris chez Harold, dans son appartement. La première chose qu'on a fait sur la table du salon, on s'est dit, on va. C'est comme ça que ça a commencé. C'était plutôt l'idée que on se met à table, face à face avec les autres. On s'est rencontrés à Bruxelles et le fait, on se met à table, une conversation. Toutes les tables sont toujours différentes, il y a des objets différents et avec ces objets, on peut faire, des bruits, on peut faire des sons. Et ce qu'on a fait, c'était la première démarche. C'était, on se dit, tiens, ce qu'on peut faire, on va simplement donner un lieu. Toi, tu amènes ton sopranino. Hein, toi, tu vas avec ton bébé. Moi, je vais avec mes bébés, même cassette. Et on va arriver dans un lieu et on va regarder un peu ce qu'ils ont comme truc. Et on va regarder dans la rue si on trouve des tasses, des choses. C'est ça, vous rassemblez les objets présents. On va mettre des trucs comme ça qu'on a trouvé tout par hasard sur cette table dans la salle où on est et on joue avec. Et là, parce que moi, je pensais, ça me faisait penser à Spoerry parce que c'était une sorte d'inverse. Oui. Pour Spoerry, il prend une table à la fin d'un repas et en tant qu'objet trouvé, il l'utilise. Et nous, on crée une table en tant qu'objet trouvé. C'était un peu ça. Et là, c'est on a fait ça depuis un an et demi, par-ci, par-là, partout. Ça. Voilà, il y a 3 ans qu'on fait ça. On a fait des concerts par-ci, par-là, ici, Mercedes, au Brass, à Paris. Et une des trucs qui était quand même assez intéressant, assez marrant, c'est qu'on a fait ça ici au Brass, comme Jean-Jacques dit. Et on va écouter un extrait. On était sur une sorte de petite résidence et on a installé dans 3 lieux différents du Brass, 3 tables différentes. Et après nos préparations de quelques jours, c'était une performance publique où vous avez circulé entre les tables. On demandait des gens d'aller Exactement. Avec nous de table à table. Est-ce qu'on peut écouter cette... Au Brass. Voilà, au Brass, le dernier tableau, disons. La table finale. Oui, la table principale, finale. À table en live. Le micro dans les studios de Panique. On entend donc derrière votre live au Brass. On est en train de dire que c'est un lieu particulier hein, où jouer. En même temps, vous l'avez bien investi donc avec trois lieux, trois ambiances différentes. Trois ambiances différentes. Mais ces lieux comme ça, c'est pour des travaux sous l'eau, c'est toujours assez inspirant parce que On peut faire des choses qui sont spécifiques au lieu et qu'on ne peut pas faire autre part. C'est pas... Alors ça, c'était quelque chose quand même qui sortait un peu de notre pratique de performance, c'est-à-dire juste une salle et une table et on se met sur la scène. Et voilà. Et on l'avait d'ailleurs intitulé « Mangeons du son ». Mangeons du son. Oui, moi, je ne digère pas bien ça. Non, je sais, je ne digère pas le son. Alors, parlons un peu de la table Spoerry. Oui, parce que ça, c'est, quand même, c'est à nouveau, c'est encore quelque chose d'assez particulier, mais c'est... on a déjà parlé du fait que le fait qu'on jouait avec cette table, ça faisait penser un peu au truc nouveau réaliste de Spoerry. Et à un moment donné, ça nous est devenu dans la tête l'idée. Ben, on part toujours parce que c'est devenu une sorte de slogan inspiré par Spoerry. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on disait, mais tiens, si on faisait vraiment une fois quelque chose avec Spoerry, si on prenait vraiment une table de Spoerry pour jouer avec. Ça doit pas être facile à trouver. Eh ben non, parce que ce sont des œuvres d'art et peut-être c'est pas. Mais bon, il faut quand même un bon salaire pour pouvoir c'est acheter ça. Un Spoerry. C'est pas le plus cher qu'on peut s'imaginer, mais bon, ça coûte quand même. C'est un budget. Mais par contre, moi je connaissais Spoerry parce que je suis un énorme fan de quelque chose qu'il a fait au début des années 60, qui est un petit livre qui s'appelle « Topographie anecdotée du hasard ». C'est un livre où, qui aussi parle d'une table. C'est-à-dire, à l'époque, il habitait dans une chambre d'hôtel à Paris, dans le rue Mouffetard. Hôtel de Carcassonne. Hôtel de Carcassonne, la chambre 13, une toute petite chambre. Et dans cette chambre, il avait une petite table de cuisine. Et le 17 octobre 1961, il a dessiné un plan de cette table. Il a fait un plan topographique de sa table de cuisine dans l'hôtel. C'est malheureusement pas montré l'image. Oui, moi, les caméras. Oui, j'ai la chance. Voilà. Tu as amené le livre, donc c'est toujours drôle à la radio de dire. Alors je vous montre. Voilà. Alors ça c'est le plan de la table de Spoerry dans sa chambre. L'hôtel Carcassonne. Et dans le livre, que j'admire beaucoup, que je trouve c'est vraiment c'est un grand œuvre littéraire même. Et c'est la première œuvre d'art. Peut-être une des premières œuvres interactives d'art, parce que tous les objets sur la table, sur le plan, sont numérotés, avec des numéros. Mm-hmm. Et dans le livre, on prend le numéro 31, et tu peux regarder dans le livre le numéro 31. Et là, il raconte toutes ses associations avec l'objet, avec c'est qui poétique, il était, qu'il a acheté, et qu'est-ce que ça faisait, comment il a utilisé ça, comment il a parlé avec son copain qui est venu ce matin pour boire du café, etc. Tout. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est que cette façon associative, parce que si tu continues toutes ces associations avec ces objets, tu vas décrire tout l'univers. Parce que ça amène à tout. Avec la trombone qui est ici sur la table, si tu continues toutes les associations qui sont faites avec, tu vas arriver, je ne sais pas, sur Mars, avec le Voyager. Alors, un autre truc qui est très particulier à cette table, c'est complètement différent des autres tables, parce que cette table n'existe pas. Elle est imaginaire. Non, elle n'est pas imaginaire, mais l'objet même n'est plus là. Toutes les autres tables de Spoerry, il y a le poulet qui est collé là-dessus, et c'est un objet réel. Mais ça, c'est juste un truc abstrait comme ça. Alors, ce qu'on a fait avec Jean-Jacques, c'est ce qu'on a dit. On a dit, tiens, on va prendre ça, on va faire la table, on va construire, reconstruire la table. Reconstruire. Ce qu'on a fait, et je vais vous montrer encore, bien auditeurs à la maison. voilà, la table qu'on a fait, avec, il faut le dire, c'est quand même soutenu par Franz Claus ici à Bruxelles. Les ateliers Claus, on était en résidence d'ailleurs pour ce projet-là. Qui nous a permis de venir ici à Bruxelles et aux ateliers Claus en résidence construire cet objet. Assez merveilleux. Et avec que vous avez utilisé donc après pour une performance musicale. C'est ça, qu'on utilise pour la performance. Oui, voilà. Et cette table est devenue une sorte de élément dans un univers entier parce qu'on peut l'utiliser en tant qu'instrument. Jean-Jacques surtout, il s'est occupé bien de sonoriser la table avec des contacts, des micros de contact et ainsi de suite, tiges filetées. Ouais. Et c'est avec trois pieds, donc elle est instable. C'est une table instable et c'est intéressant parce que ça permet justement de la faire bouger Et donc, ouais, on peut arriver à, des, à faire des sons qu'on n'arriverait pas avec une table à quatre pieds, en tripode, c'est à la fois stable et instable. Et en performance, aussi, parfois je suis un peu chaud et Jean-Jacques s'énerve facilement. Et je renverse la table. Il a déjà deux fois cassé la table. Exactement. peut-être juste, on va passer à votre live. Juste pour faire très vite. Ouais. Voilà. Alors, c'est devenu une sorte d'élément dans tout univers parce qu'on peut faire des performances avec. La table peut aussi s'installer en tant qu'installation tout seul parce que, comme Jean-Jacques dit, le truc bouge tout seul. Alors, c'est une table sous le grisier, on peut l'installer en tant qu'installation. Les gens peuvent bouger avec. Et chaque fois qu'on utilise la table, il y a un réveil sur la table. Le réveil recommence à faire l'heure à 15h47, comme à l'époque où Spuri a dessiné la table. Et ça va recommencer à... On reprend le train en marche, en fait. On continue à projeter. Il y a un petit livre avec. Il y a en production... Espérons, parce que tout ça aussi, ça coûte d'argent. Ce n'est pas une pièce de théâtre nouveau réaliste qu'on aimerait produire, qui, au fait, c'est la transcription de la recherche de Jean-Jacques et moi, où on était à Paris, à la recherche de la chambre 13 dans l'hôtel Carcassonne. Et actuellement... J'ai parlé beaucoup avec Chloé. Non. Voilà. Oui, il me semble. Très bien qu'il y ait du contenu, mais c'est intéressant comment vous partez de la musique, du plastique, du sonore. Tout à fait. Oui. Maintenant, il faut aussi dire aux auditeurs qui peuvent... La résidence au piano Fabrique, oui, c'est oui, pas voilà, mal. On arrive. Ouais, c'est ça parler, où je voulais en venir. Oui. C'est-à-dire qu'actuellement, ces deux semaines, on est ici au piano Fabrique où on a... eu la possibilité de venir avec la table Spuri pour l'enregistrer et pour faire parce que c'est une topographie et ce qu'on est en train de travailler, c'est une topographie sonore de cette table avec tous les objets qui sont là-dessus et aussi évidemment des interventions plus musicales. Et on a divisé la table en quatre parties topographiques, nord-est, sud-est, nord-ouest et quatrième. Et ben là, on travaille, on enregistre, et le but, ça sera un album avec quatre morceaux d'à peu près 10 minutes. Ah d'accord, suite à la résidence, vous allez sortir un album. Oui, un vinyle. Ça sera un vinyle. Voilà. Un joli objet pour tous les amateurs et collectionneurs qui sont là, et c'est possible déjà de s'inscrire maintenant, bien sûr, en appelant au studio, au numéro. Oui, il faut aussi dire que en contactant le piano Fabrique ou moi ou Jean-Jacques On est pendant la résidence, voilà. On est ouvert à possibilité d'aller jouer dans des lieux, donc si jamais vous nous invitez encore une fois invitez-nous. Et on peut retrouver aussi vos projets sur arsmedia.com sur le blog Ta Table, c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a un blog qui est donc sur arsmedia.com et à partir de là on trouvera tout. Arsmedia/à table, on tombe sur on tombe à table. Mais bon, c'est ce que tu dis, c'est bien hein, parce que écoute, on est des spécialistes à table, alors je vous dis invitez-nous à manger, à dîner et après on joue quoi, il n'y a pas de souci. Avec ce qui reste. Avec ce qui reste et voilà. Et un petit bouquin, ça aussi vous très vite, petit cadeau pour Chloé. Voilà. Table. Et Jean-Jacques, on va à table. Hein oui, voilà, on va aller à table. Allez. Ouais, on va manger. Donc, pour les quelques minutes d'émission qu'il nous reste, Harold Schellings et Jean-Jacques Dierings en direct des studios de Panique avec leurs objets sur la table de Panique. J'ai pas d'étaler plein de flottes ou plein de café partout. Thank you.